Thank you. We spent some time together. Now, enjoy your mother nature. I wish you good luck, and thank you for spending the night with me. Remember, I saved your life, and now you're more than free to go. I appreciate the time. I remember all my wishes. Long life. Good journey. Okay? I'm gonna let you go. Once again, I appreciate that. All right? Good luck. I couldn't keep you because you need to enjoy your freedom. And that freedom, of course, you have to get it from the mother nature. Not encaged in some places humans will come and enjoy the show. All right. Have a good one. You're free to go. Good luck. Bon voyage, mon ami. Je t'ai sauvé la vie, et bien voilà, je te laisse libre dans la nature. D'accord? Ici, c'est la forêt. Et tu trouveras vraiment une belle vie. Tu vas retrouver les cides, tiens, tes parents. Mais je sais que tu vas te le prier. Hein? Voilà cette belle petite tortue que j'ai sauvée la vie au milieu de la route. Et malheureusement, ces gens-là s'en foutaient. Ils ont voulu l'écraser ou quoi, je sais pas. Et puis voilà comment je l'ai prise. Elle a passé la nuit avec moi. Je lui ai donné un peu à manger, des champignons et autres. Et je suis venu la rendre ici.